boss. J'suis dans le bâtiment, j'vais dans la pièce. Colis passe pas par la poste. J'suis avec comme ça, détaille. Le débat à la fin de l'épisode. On la détaille là, à vie taille. Elle est tellement belle qu'elle a causé des morts. 100 grammes à kill pop le haut. Ça fait beaucoup, j'dors plus beaucoup. Planning bouclé, 4 jours dans la semaine, j'suis bouqué. Grosse quantité, bonne qualité. J'en ai plus que tu critiques. Et là, j'ai prêt, propose une feuille pour les tirer. Hey, oh. Et j'rejoins Geeks dans le bloc sa mère. Détesté par les cops, déféré pour de la merde. 3 trous, des max, race, tout retrace, gros salaire. Enfin, dans le tas, ils connaissent pas, j'ai laissé aucune trace. Allez, niquez mon air, j'suis dans la ville avec S. Que tu penses que tu peux nous la mettre? Wouah, sors les deux pieds dans la tête. Compte l'oseille que j'peux claquer au reste. Stop, on vous confirme qu'on vous baise tous. On lâche des albums ou des baisses. Stop, on va répéter qu'on les baise tous. Le soir défoncé, on en rigole. Pas compliqué, nous on encaisse tout. En gros, tu m'as vidé la caisse. Toi, j'rentre dans l'appart, cagoulé comme d'hab. En plus, on est rentré par le toit.